en marchant dans la ville dehors. J'ai vu son nom en lettres d'or. Comment espérer l'oublier si la rue peut l'énumérer, plaqué par des chocolatières, des étudiantes ou des caissières. C'est la première fille qui me plaque, qui a son nom sur une plaque. J'aimerais penser à autre chose, oublier la base et la cause. Alors je sors manger une crêpe, mais son nombril place de la rep, plaqué par des entrepreneurs, des secrétaires, des allumeuses. C'est la première fille qui me plaque, qui a son nom sur une plaque. Il y a sûrement d'autres filles comme toi qui aiment faire appliquer la loi. Moi, la seule loi que je m'impose, c'est ton souvenir en overdose, plaqué par des ingénieurs son et par toutes les filles du canton. C'est la première fille qui me plaque, qui a son nom sur une plaque. Cette plaque, j'aimerais l'arracher de là et l'accrocher bientôt chez moi, pour que mes murs enfin embrassent la douce tendresse du nom de Nas. Plaqué par des restauratrices, des serveuses et des anarchistes, c'est la dernière fille qui me plaque, qui aura son nom sur une plaque, qui aura son nom sur une plaque.